Et pour terminer, cet aperçu de l'essai sur les mœurs en particulier et de Voltaire, historien en général, voici de très larges extraits du chapitre 145 intitulé par Voltaire « De Colombo et de l'Amérique ».